j'ai peut-être trouvé une solution. Bebop, si tu m'entends, j'ai trouvé un nouveau truc. Thank you. Bravo, Razor. Pas gentil. Hey, pigeon, look at my new hand drop. Avec quoi c'est fait? C'est fait avec deux bouteilles de gaz. It's made on gasoline butter. Non, pas gasoline. Gaz. Cooker. Heater. Je sais pas comment on dit. Comment on dit gaz? Gaz. Gas butter to oh you don't have this in USA because we have 20 liter bottle. Gas, yeah, petroleum oil. It's not petrol. Gas. We have this in the kitchen. Wax. Non, wax. Pas wax. wax, c'est pour tirer les poils des Portugaises. Ok, disons la pâte à tonique. Non, là, les magasins. Hey, people, I want my birthday song. Come on. Today it's my birthday. Today it's my birthday. I want to have a birthday song. Bottle of the Giboline. Je vais peut-être pouvoir jouer, je vais aller en faire là-dessus. What's your name? My name? Sharon. Does anyone knows my real name since 10 years here. Hey, birthday girl, what's your name? Yes, yes. Sharon. I'm Trent. Nice to meet you. Hola! Mickey! Sharon, no. Really, is it? Hola, Flippa! Come va? Como está? Merci, Razol! Tu sais que je suis à voir. Ah mais oui, je suis con. Maple. The Maple. Les fenêtres sont ouvertes, vite! Je vais me planquer! Merde, c'est tout à casser, ça va pas! Bon, c'est pas grave, la maison, le champ est tellement grand que tu peux pas me voir. Tu as vu que sur mon drum, il y a un lion. Une tête de lion. We'll be right back. Bah quoi? Non mais je t'en prie, ferme les yeux. Même pas se balader comme on veut ce soir. Quoique, c'est pas chez moi. Thank you. Antisocialiste. Everybody get kick it out. Ben, un jour, si tu jouais, je pourrais l'entendre. De la lumière. C'est bon. Un tout petit peu plus fort. Monte jusqu'à moins de 12. Encore. Et encore. Forgot a Song. Oh my god, c'est une cacophonie. And maybe you love me. Can play more again, and you will be happy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oh my god, this is crazy. You. Where is the picture? Cacophonique, mais on n'aime pas le pire. Peut-être qu'il fallait le faire avant. On n'était pas ainsi pire. Et pourtant, moi, je voulais vous dire bordel, bordel phonique, c'est mieux que. On va pas le dire. C'est pas joli. La la la la la la la la. For you is till the night is 10 in the morning, non, 11. And I need to make the dinner, the lunch. Et pardon pour les fautes. Pourtant, on va jouer. Ok, take a plane and come play here. I have a big garden. La la la la la la la. California. I want to go to California. Who lives there? Who lives in California? Who have a room?